Le devoir du ministère de l'Intérieur est d'assurer l'ordre public et il a également le devoir de ne pas exposer inutilement des policiers qui luttent depuis des années contre le terrorisme sans se laisser atteindre par les coups qui leur sont portés. Pourquoi ? En vérité, laisserai-je assassiner ces serviteurs de l'ordre qui, eux, combattent à visage découvert devant les coups redoublés, meurtriers, anonymes des agents du FLN. Le choix pour le ministre de l'Intérieur était certes difficile, mais tout homme, conscient de ses responsabilités, ne pouvait hésiter devant l'alternative entre des vies à protéger et des restrictions provisoires à décider. Il fallait d'abord et avant tout penser aux vies. C'est ce que j'ai fait et c'est ce que je ferai encore si le même choix se présentait à moi.